La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Lorsque le corps se retourne contre lui-même, on les appelle les maladies auto-immunes. Il s'agit du troisième groupe de maladies les plus fréquentes après les cancers et les maladies cardiovasculaires. Des pathologies complexes qui peuvent s'attaquer à un ou plusieurs organes et qui se caractérisent par un dysfonctionnement du système immunitaire. Une centaine de maladies auto-immunes sont recensées, parmi lesquelles le diabète de type 1, le lupus ou la sclérose en plaques. Et les femmes sont particulièrement concernées par ces maladies dont il est très difficile de déterminer l'origine. C'est le thème cet après-midi de notre Tête au Carré en partenariat donc avec la Fondation pour la Recherche Médicale qui lui consacre un dossier dans son dernier numéro de la revue Recherche et Santé. Et j'attends dès maintenant vos questions donc sur les maladies auto-immunes. Vous nous rejoignez sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui à la une, on s'intéresse aux effets des voyages longue durée dans l'espace sur le corps humain. Et oui, puisque la NASA vient de finaliser son étude Twins menée sur deux jumeaux astronautes, Scott et Mark Kelly. Les résultats détaillés, c'est dans un instant. Et Fanny Boyon réalise cette tête au carré qui a été préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Voilà, les maladies auto-immunes, dossier de l'émission dans un instant, en partenariat avec la Fondation pour la Recherche Médicale. Et on en parle avec mes invités Patrick Blanco et Maya Salet. Bonjour à tous. Bonsoir. Les deux. Bonsoir. Bienvenue. Patrick Blanco, vous êtes chef de service d'immunologie au CHU de Bordeaux et chef d'équipe au CNRS sur les maladies auto-immunes. Et puis Maya Salet, vous êtes professeure en médecine à l'université McGill, c'est à Montréal, et directrice du programme Inflammation et Cancer. Vous êtes en France actuellement, c'est ça? Vous terminez une année sabbatique dans le groupe de Patrick Blanco. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait exactement alors au sein de l'équipe? On a étudié des mécanismes des maladies auto-immunes, on a regardé des interactions environnement génétique et on voudrait ensemble explorer la contribution du microbiote sur ces maladies. En fait. Là, c'est une piste de recherche très importante pour vous aujourd'hui. Oui, exactement. Le rôle de ces bactéries. Est-ce que la façon de travailler des équipes françaises est en tout point semblable à celle des équipes canadiennes sur ces questions? Oui, pas mal. Mais ça m'a intéressé beaucoup dans l'équipe de Patrick, c'est qu'on interagit d'une façon plus étroite avec les médecins. Oui. Donc, la recherche est proche du lit et vice-versa. Oui, donc clinique et recherche à la fois. Donc ça, c'est important d'avoir les deux approches. Patrick Blanco, donc ces maladies auto-immunes, elles touchent un nombre important de personnes, entre 5 et 8%, c'est ça, de la population mondiale? C'est ça, c'est comme vous le signalez en introduction, c'est effectivement 5 à 8%, c'est la troisième cause de morbidité et de mortalité dans les pays dits industrialisés ou développés. Et la connaissance reste très largement imparfaite, si bien que le traitement est lui aussi imparfait. Ouais, pourquoi c'est compliqué justement de bien connaître les causes de ces maladies, dont le mécanisme est quasiment commun, mais ensuite les manifestations et les symptômes très différents, hein? C'est ça, c'est-à-dire qu'en amont, ces maladies auto-immunes vont être gouvernées par trois types d'ingrédients. D'une part, un ingrédient de nature génétique, d'autre part, un ingrédient de nature environnementale. Mm-hmm. Donc, l'environnement, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise. C'est très large, on y met beaucoup de choses. Et puis, bien entendu, le système immunitaire a un rôle à jouer. Et en aval, c'est-à-dire sur la présentation phénotypique, vous allez avoir tout un tas de maladies qui vont avoir une expression cutanée, articulaire ou éventuellement digestive. Néanmoins, à un moment donné, toutes ces maladies vont emprunter des voies physiopathologiques qui sont communes, si bien que parfois, quand bien même l'expression clinique est extrêmement variée, on va être amené à les traiter de la même façon. Ouais. Alors, on explique d'ailleurs pourquoi au départ il y a vraiment un mécanisme commun, dysfonctionnement du système immunitaire, même s'il n'y a pas que ça, et qu'ensuite ça diverge dans autant de maladies, Maya Salet. Oui, alors on pense du côté génétique, en fait, il n'y a pas un défaut génétique qui va mener à ces maladies-là. C'est vraiment plusieurs variantes génétiques. Donc, d'un patient à l'autre, la combinaison de ces variantes-là qui vont contribuer à une expression phénotypique versus une autre. Mais après, il y a aussi l'environnement du patient et sa prédisposition à la maladie, en fait. Mmh. Et l'aspect environnemental, en fait, je trouve que c'est aussi important que l'aspect génétique. On regarde, par exemple, les descendants de migrants asiatiques qui arrivent au Canada ou aux États-Unis, qui viennent d'un pays où le taux des maladies auto-immunes est assez bas. Et la deuxième génération, après leur arrivée en Amérique du Nord, là, ils acquièrent un taux assez élevé de maladies auto-immunes. Alors, la génétique n'a pas changé, c'est vraiment l'environnement. Bon, il y a beaucoup de questions encore qui se posent, évidemment. Et puis, heureusement, quand même, des pistes thérapeutiques. On va évoquer tout ça ensemble dans un instant. Et puis, évoquer en particulier certaines de ces maladies. Vous répondrez aux messages des auditeurs qui nous rejoignent donc sur le site de la Tête au Carré. À tout de suite. Voilà, voyager longtemps dans l'espace, quels sont les risques? Cette question est souvent posée et c'est aujourd'hui à la une de la science puisque la NASA a également travaillé sur ce problème, Axel Villard. Et oui, l'agence spatiale américaine vient de publier le dernier volet de son étude Twins qui a suivi de près les deux jumeaux Scott et Mark Kelly, tous les deux astronautes. Scott a passé 342 jours dans l'ISS entre 2015 et 2016, c'est un record, pendant que son frère restait sur Terre à l'attendre. Au retour de Scott, 10 équipes de recherche ont fait passer aux deux frères une batterie incalculable de tests pour tenter de les comparer, de voir les effets spécifiques d'un séjour dans l'espace. On va faire le tour des résultats avec vous, Nicolas Forêt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bonjour en duplex tous avec nous depuis les locaux de Radio France à Lyon. Vous êtes directeur de l'unité INSERM Radiation, Défense, Santé et Environnement. C'est un laboratoire qui collabore avec le CNES sur des questions spatiales. Alors, pour commencer, un mot sur les sujets choisis pour cette étude. Deux jumeaux homozygotes, on en envoie un dans l'espace et on garde l'autre sur la Terre. Ça semble être une bonne idée, non, pour comparer les effets d'un voyage dans l'espace? Alors, pour faire le point dans un premier temps, oui, sur tous les aspects qui vont être liés aux radiations cosmiques ou à la pesanteur. Pourtant, rien ne remplacera une étude épidémiologique avec plusieurs personnes, plusieurs astronautes. Il faut dire que les astronautes, dans toute l'histoire de l'espace, on a de l'exploration spatiale, on a à peu près une dizaine d'astronautes qui ont dépassé l'année en séjour dans l'espace. Donc ici, on est dans un espace très limité, c'est le cas de le dire, en ce qui concerne l'interprétation des résultats. Donc pour défricher, c'est bien, c'est ça que vous voulez dire? Pour défricher, c'est bien, mais il y a quelques limites. Par exemple, le jumeau dont on parle, qui a séjourné 340 jours, il avait déjà séjourné 180 jours dans l'espace. Donc, il n'est pas naïf du point de vue espace, et on ne saura jamais si ce que l'on mesure aujourd'hui n'est pas le résultat de ses précédentes missions. Malgré tout, on voit quand même apparaître des choses intéressantes dans l'étude, certaines qu'on connaissait, d'autres un peu nouvelles, comme par exemple la dose de radiation colossale qui est reçue par les astronautes. Ça, c'est le point majeur quand on sort de l'atmosphère. Oui, alors j'ai envie de dire, enfin, on a vraiment quelque chose de très clair aujourd'hui. Scott Kelly a reçu 140 millisieverts pendant sa mission, c'est-à-dire deux fois un an de radioactivité la plus élevée qui soit dans le monde. Dans le monde, il y a plusieurs types de radioactivité naturelle, et notamment un endroit en Iran où on a à peu près 35 fois plus de radioactivité naturelle qu'en France. Eh bien, un an en Iran, c'est seulement 6 mois dans l'espace, et du coup, la question c'est, est-ce qu'on vieillit deux fois plus vite ? Alors, c'est le temps qui s'écoule plus vite ou le vieillissement qui agit plus vite, ça on ne sait pas, mais quels sont les effets qu'on a pu mesurer alors de ces rayonnements? Est-ce qu'on peut faire des liens directs déjà? Absolument. Alors d'abord, on a tout ce qui est cassure de l'ADN, aberration chromosomique, où on connaît très bien le lien avec la dose de radiation. Là, ça a été sans surprise. On a effectivement des aberrations chromosomiques qui peuvent être réparées ensuite au retour au sol sur Terre. Par contre, on a des effets peut-être un peu plus, on va dire, constants, notamment en termes de marqueurs du vieillissement. Et c'est le cas notamment de ce qu'on appelle les télomères. Les télomères, ce sont les terminaisons des chromosomes avec un petit signal pour dire à la cellule, attention, c'est une terminaison, c'est pas des cassures. Donc, il faut pas réparer, il faut pas casser. Or, quand on vieillit, on va perdre progressivement les longueurs télomériques et on va avoir une activité autour de ces télomères qui va évoluer. Mais ils ont été mesurés, ces télomères, chez ces deux jumeaux, et vous dites qu'on peut pas tirer des conclusions précises? Alors, en fait, il y a un petit peu une discussion actuellement, puisque la moitié des résultats qui étaient prévus n'ont pas été obtenus, ils ont été perdus. Ah bon ? La seule chose qu'on a actuellement, c'est des données sur la longueur des télomères. On sait par exemple que on avait de moins en moins de télomères court. Et du coup, on a eu, on va dire, une activité de vieillissement qui était attendue. D'accord. Alors, les rayonnements, c'est pas seulement l'ADN et les chromosomes, c'est aussi les différents organes, je pense à la peau ou les yeux. Est-ce que là, on voit des effets particuliers ? Alors, ce qui est le plus connu, hein, c'est notamment les cataractes. On sait qu'il y a plus de 80% des astronautes qui vont montrer des cataractes, mais c'est un phénomène qui est très très lent. Or, là, sur l'œil, on voit des phénomènes qui sont plutôt de l'ordre des pathologies de l'œil, et notamment des plis choroïdiens. Et ça, c'est la question, est-ce que ça peut être réversible ? Ça a l'air d'être le cas, certains marqueurs le sont, mais on aura toujours cet effet sur l'œil, avec notamment... la combinaison des radiations, des ions lourds notamment, qui vont se déposer sur l'œil, mais également de la pesanteur, donc qui va changer un peu la pression de tous ces organes-là. Donc pour des voyages encore plus longs, il faudrait imaginer des lunettes de soleil en continu, c'est ça qui faut... Oui, il y aura encore, je pense, d'autres matériels qui seront ouais. encore plus nécessaires, mais en gros, il va falloir travailler beaucoup sur l'œil en ce qui concerne des vols très longs, oui. Alors, le deuxième effet connu des vols spatiaux, c'est l'effet de la pesanteur. Et là aussi, on trouve des choses, en tout cas, on en a cherché au niveau cardiaque et osseux, ça c'est des choses qu'on connaissait. Est-ce qu'on confirme avec les frères Kelly ? Alors, on confirme, notamment au niveau cardiaque, on sait par exemple que on a un épaississement de la paroi carotide, on a un débit cardiaque qui va augmenter de 10%, ces effets sont réversibles quand on arrive au sol, et puis il y a tout ce qui s'accompagne, on a parlé de l'œil, tout ce qui s'accompagne aussi au niveau osseux, avec les pertes osseuses, par exemple, l'astronaute qui est le jumeau qui est resté donc un an dans l'espace, a perdu 7% de sa masse corporelle. Ah oui, c'est beaucoup. Et on a presque fait le tour du corps humain. Il manque plus que le cerveau. Est-ce qu'on sait si l'espace attaque ou alors laisse indemne notre cerveau ? Alors, c'est le grand problème notamment qui a été testé avec les tests cognitifs. Donc, les deux jumeaux ont été soumis à des différents tests. Et on s'aperçoit que à la rentrée au sol, sur la Terre, l'astronaute qui est resté un an dans l'espace avait des tests cognitifs en termes de rapidité et de qualité des réponses qui étaient assez mauvaises. Pour l'instant, ça concerne 200 à 300 jours après le retour sur Terre. On attend des données qui seraient à plus long terme. Et Nicolas Laforêt, sur le système immunitaire ou le microbiote, là pour coller avec les sujets de nos invités tout à l'heure, oui. Il y a des travaux qui ont été menés ou pas ? Alors, il y a des marqueurs, hein, il y a des biomarqueurs sur la réponse immune qui ont été faites, c'est surtout au niveau de la génomique et de la protéomique. On va dire c'est des centaines de gènes qui ont été étudiés. Il y en a en gros 90 à 95% qui reviennent à la normale après un jour d'espace. Par contre, un peu plus anecdotique, on peut noter que... l'astronaute a été vacciné contre la grippe dans l'espace et que les scientifiques disent bah il n'y a pas eu de problème par rapport à celui qui avait reçu la vaccination sur Terre. Pour terminer, Nicolas Forêt, comment on conclut ? Est-ce que c'est encourageant cette étude pour des vols plus longs dans l'espace ou alors il faut se dire bon ils seront tous des problèmes de vue et des problèmes osseux si on part 3 ans par exemple vers Mars ? Ça donne pas tellement envie quand même. Oui. Hein. Alors, là, vous posez le problème des contre-mesures. C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir des poudres de perlimpinpin, des drogues qui peuvent être, des médicaments qui peuvent être associés à des vols longs pour pouvoir, justement, contrecarrer tous ces aspects-là. Mais j'ai presque envie de dire, il y a surtout un aspect très particulier, c'est que on manque de cas. Alors, j'ai pas dit qu'on manquait de volontaires. On n'a pas tous les jours deux jumeaux astronautes, ou du moins deux astronautes jumeaux. Mais en disant ça, ça veut dire que ça pose la question, est-ce qu'on est vraiment prêt physiologiquement pour les vols longs. Merci beaucoup en tout cas Nicolas Forêt pour ces explications. Vous êtes, je rappelle, directeur d'unité INSERM Radiation, Défense et Santé et également Environnement. Merci à vous et Axel, on se retrouve demain. À demain. Allez, dans le bref, en bref, dans l'actualité scientifique, le méthane martien qui disparaît à nouveau. Les équipes de la sonde ExoMars TGO viennent de publier des résultats pour le moins étonnants. La sonde européenne envoyée en 2016 avait pour but d'analyser de manière fine les quantités de gaz dans l'atmosphère martienne, et notamment les émissions de méthane déjà détectées à la surface par le robot Curiosity et par une autre sonde, Mars Express. Mais surprise, les quantités détectées par TGO, pourtant bien plus précises que ses prédécesseurs, sont infimes, voire quasi nulles. La pollution routière en entraîne 4 millions de cas d'asthme par an chez les enfants dans le monde entier. Ce chiffre inquiétant publié dans The Lancet représente 13% des cas d'asthme diagnostiqués chaque année dans le monde. Cette proportion monte en flèche pour les villes les plus polluées comme Shanghai pour atteindre 48%. À Paris, qui occupe la 21e place mondiale, un cas sur trois est dû à la pollution routière. Et puis les fans de l'écrivain Howard Philip Lovecraft vont se réjouir. Le petit Cthulhu a foulé la Terre il y a 430 millions d'années. Une équipe de paléontologues de l'Imperial College de Londres publie la découverte d'un fossile très étrange. Une nouvelle espèce de concombre de mer aux très nombreuses tentacules, grandes comme une tarentule, qui rampait dans les océans anciens. Il n'en fallait pas plus aux chercheurs anglais, apparemment fans de Lovecraft, pour le nommer Solacina Cthulhu, en l'honneur de la monstrueuse entité cosmique et dévoreuse de monde inventée par l'écrivain en 1928. Allez, les maladies auto-immunes, c'est notre dossier dans un instant. C'était Falls. La tête au carré, Mathieu Vidard. Voilà les maladies auto-immunes, dossier cet après-midi de l'émission en partenariat avec la Fondation pour la Recherche Médicale qui propose justement un grand dossier dans le nouveau numéro de sa revue Recherche et Santé. Et mes invités, donc Patrick Blanco, chef de service d'immunologie au CHU de Bordeaux et chef d'équipe donc au CNRS sur les maladies auto-immunes, et Maya Salé, professeure en médecine à l'université McGill et directrice du programme Inflammation et Cancer. Et bien sûr, vous nous rejoignez avec toutes vos questions et vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Patrick Blanco, on parlait donc tout à l'heure de ce dysfonctionnement du système immunitaire. Ce qu'il faut bien comprendre avec les maladies auto-immunes, c'est vraiment le corps qui se retourne contre lui-même, c'est un petit peu ça ? C'est exactement ça, c'est-à-dire que normalement le système immunitaire il est là d'une part pour vous protéger, si vous deviez demain développer une infection, et bien ce système immunitaire il va s'activer dans le but de vous protéger, et puis il a également une autre fonction qui n'est pas complètement connue du grand public, c'est qu'il a un rôle également de réparation, c'est également un rôle qui est fondamental. Et donc à la faveur d'un dysfonctionnement du système immunitaire, qui peut avoir pour source des causes extrêmement variées, et bien votre système immunitaire, au lieu de vous protéger, va vous attaquer, va attaquer vos propres constituants du corps humain. Ouais, mais est-ce qu'on sait pourquoi il a cette réaction finalement, le système immunitaire ? Alors, parfois, on a une petite idée, c'est-à-dire que on a une explication relativement claire à partir du moment où on a, de manière relativement exceptionnelle, une maladie monogénique qui va être responsable de maladies auto-immunes. Donc là, on connaît exactement le gène qui est impliqué, et donc on connaît la cause et les raisons qui font que le système immunitaire se retourne contre vos propres constituants. Et dans la grande majorité des cas, c'est un faisceau d'arguments qui vont faire que ce système immunitaire va vous agresser. Maya Salé, donc tout l'enjeu pour la recherche, c'est de bien comprendre justement dans quelles circonstances se fait ce retournement de situation du système immunitaire alors. Oui, exactement. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre pourquoi il y a cette relation inverse entre le déclin des maladies infectieuses et l'augmentation des maladies auto-immunes. Très net. Des courbes aujourd'hui, c'est... Oui, exactement. Et donc, il y a plusieurs hypothèses qui disent que notre système, l'éducation de notre système immunitaire ne se fait pas aussi bien dans l'absence de ces pathogènes-là qu'on rencontrait auparavant, avec tous les changements environnementaux, la stérilisation, la pasteurisation, les antibiotiques, l'urbanisme fait. Qui fait que maintenant on a peut-être un microbiome moins diversifié, une exposition antigénique moins diversifiée envers ce système immunitaire. Donc il faut comprendre cette interaction environnement génétique et la contribution des pathogènes et des microbiotes dans le déclenchement de cette réponse inadéquate. La piste du microbiote justement, ça c'est vraiment un axe de recherche très important aujourd'hui autour de ces maladies auto-immunes ? Oui, effectivement, parce que on trouve, par exemple, des associations de dysbiose ou un dérèglement du microbiome dans les patients qui souffrent de ces maladies-là, mais les preuves viennent des modèles animaux où on voit, par exemple, que une certaine écologie microbienne peut amplifier la réponse auto-immune ou, par exemple, protéger contre cette réponse auto-immune. Donc, il y a une relation directe entre les bactéries, les virus, les parasites qui nous habitent et ces réponses auto-immunes. Qu'est-ce que c'est que la dysbiose ? Alors, vous avez prononcé ce nom à l'instant. C'est un dérèglement, vraiment, une dérégulation du normal, du normal microbien qu'on appelle le symbiose ou l'interaction avec cette écologie microbienne qui nous habite. Patrick Blanco, les auditeurs nous rejoignent avec pas mal de messages déjà sur franceinter.fr avec des pathologies tout à fait particulières. On va en parler dans un instant. Il y a Richard qui demande si le rôle des vaccins et de la vaccination en général ont un lien dans l'épidémie des maladies auto-immunes qui accablent nos sociétés aujourd'hui. Alors, c'est une question extrêmement classique. C'est une vraie question. Ouais. Alors, c'est moi qui fais le cours vaccination à l'Université de Bordeaux. Ça tombe bien, on est sur la bonne personne. C'est le cours où les étudiants restent une bonne demi-heure après pour me poser tout un tas de questions. Alors, je crois qu'il n'y a pas de pleurs formelles pour montrer qu'il y avait un lien entre, d'une part, les vaccinations et, d'autre part, on va dire, la pandémie mondiale de maladies auto-immunes. Il n'y a pas de lien du tout, avéré en tout cas. Alors, la vaccination protège contre tout un tas de maladies, y compris des maladies graves. Ça, c'est indiscutable et prouvé sur le plan scientifique. De manière extrêmement exceptionnelle, il a été montré que certains vaccins pouvaient induire de l'inflammation, notamment du tissu du système nerveux central, certaines polyradiculonévrites. Donc ça a été décrit également. Néanmoins, le fait d'avoir ces cas exceptionnels ne suffit pas à contre-indiquer la vaccination. D'une part, lorsqu'on a une maladie auto-immune, et tous les malades que je suis qui ont une maladie auto-immune, au contraire, la vaccination est contre-indiquée parce que les traitements qu'on propose à ces patients sont immunosuppresseurs et les rendent plus susceptibles à développer des infections, dont certaines peuvent être protégées par des vaccinations. Oui, donc ça c'est un sujet qui intéresse beaucoup vos étudiants aujourd'hui parce que c'est un vrai thème de société aussi, hein, finalement. C'est des questions que toute la société alors, se pose. Hein. Ça reste, alors Maya peut-être aura son avis, mais ça reste quand même, je travaillais pas mal d'années aux États-Unis et ça reste un problème franco-français. Ah oui. La vaccination, parce que voilà, les choses sont relativement claires et il y a moins de questions autour de la vaccination, je trouve, aux États-Unis ou peut-être même au Canada. Néanmoins, c'est effectivement un sujet qui est relayé largement par les médias. Ouais. Bon, c'est la première question qui est arrivée extrêmement classique. Aujourd'hui sur franceinter.fr. Maya Saleh, un petit mot, un complément de réponse là-dessus sur la question vaccinale. Alors, moi, je suis complètement pro-vaccin parce qu'on a sauvé plein d'enfants de maladies graves. Ce que je discutais avant, c'est peut-être la stérilisation excessive a contribué à la perte d'une certaine richesse microbienne et à l'éducation du système immunitaire. Par exemple, on voit les traitements contre les parasites pourraient être une hypothèse pour les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Il y a des essais cliniques où on donne aux patients en fait des ovas ou des œufs d'un certain parasite. Ils le boivent et ça fait régulariser un petit peu notre système immunitaire d'une réponse inflammatoire agressive qui peut contribuer aux maladies auto-immunes ou inflammatoires à calmer un peu cette réponse-là avec cette boisson d'œuf de Trichuris suisse. Oui. Mais alors, le lien entre les maladies inflammatoires et les maladies auto-immunes, alors, il se fait à quel niveau exactement? Oui, en fait, alors les maladies inflammatoires, on les définit comme une inflammation plus ou moins non spécifique. Mm-hmm. Les maladies auto-immunes, c'est le système immunitaire qui va reconnaître un antigène spécifique et va attaquer l'organe où cet antigène-là est exprimé. Ouais. Donc, il y en a des maladies inflammatoires qui sont induites par des antigènes microbiens, par exemple les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. On les considère pas comme maladies auto-immunes parce que l'attaque, c'est contre les microbes et non pas contre le tissu humain. Patrick Blanco, une question d'auditrice Danielle qui nous dit « Mon mari n'a que des maladies auto-immunes, diabète donc de type 1, j'imagine, maladie de basse d'eau, vertige de Ménière. Est-ce que cela signifie quelque chose ? C'est-à-dire qu'on peut accumuler ces maladies très facilement ?» Alors oui, alors ce qui est atypique, c'est le fait que ce soit un homme, parce qu'effectivement, les maladies auto-immunes touchent préférentiellement les femmes, avec des explications que l'on maîtrise de mieux en mieux. C'est 8 femmes sur 10 quasiment, oui, classiquement, c'est énorme. Alors, c'est, la plupart des maladies auto-immunes ont une prépondérance féminine, alors parfois ça va être 4, 6 sur 10, 9 sur 10, mais par exemple le lupus à l'âge adulte, c'est à peu près 8-9 femmes pour un homme. Donc ça, on a des explications. Et après, ce qui est extrêmement classique, c'est que un facteur de risque pour développer une maladie auto-immune, ben c'est le fait d'en avoir déjà une, en fait. Ouais. Tout simplement parce que le patrimoine génétique qui est présent chez cette personne et qui est nécessaire en partie au développement pour cette maladie auto-immune est également partagé par d'autres maladies auto-immunes et le rend plus susceptible à en développer une autre. Ouais, mais on peut en accumuler 3 comme chez ce monsieur, par exemple. Oui, on peut souvent accumuler des maladies qui vont d'une part toucher la sphère endocrinienne, donc on a diabète et éventuellement la sphère digestive, notamment les maladies cœliaques, et éventuellement des maladies qui touchent par exemple la peau comme le vitiligo. C'est extrêmement classique. De même qu'il est extrêmement classique d'avoir un lupus et éventuellement une thyroïdite, donc c'est pas complètement... Maxime nous demande d'ailleurs s'il y a des avancées concernant le traitement du vitiligo, maladie auto-immune de dépigmentation de la peau. Est-ce qu'il y a des pistes? Alors vous n'êtes pas forcément spécialiste de cette maladie, mais... Alors, je suis pas spécialiste, mais à Bordeaux, il y a une équipe qui travaille dessus. Donc effectivement, les choses avancent. Alors non pas pour les vitiligos, on va dire... peu invalidant sur le plan esthétique, je parle, mais sur les vitiligos extrêmement étendus, cette maladie est considérée à part entière comme une maladie auto-immune et certaines des thérapeutiques qui ont montré une certaine efficacité dans d'autres maladies auto-immunes sont actuellement à l'essai dans cette maladie. Donc oui, et puis l'industrie pharmaceutique s'intéresse de plus en plus, c'est un élément également important, à cette maladie, si bien que les essais cliniques sont en cours. Et je suis certain que dans les années à venir, de nouvelles thérapeutiques vont avoir l'indication vitiligo. Allez, on se retrouve dans un instant. On parlera bien sûr de pistes de recherche. Et puis vous répondez aux messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. Des fois, ma grand-mère sort un rôti de son sac à main. Elle fait toujours en sorte que tout le monde mange à trois fois sa faim. Elle peut vivre 6 mois sans mettre le pied dans un magasin, parce que c'est pas donné. Un franc est un franc, même si tu changes la monnaie. J'ai cru que mes grands-parents étaient radins, mais c'est pas vraiment vrai. C'est juste qu'ils ont connu la vraie merde et qu'ils ont peur de manquer. À l'âge où je goûtais mon premier McFleuridin, mon grand-père braconnait des lapins dans le jardin du noble du coin. À l'âge où j'ai eu mon premier scooter, mes grands-parents plongeaient dans un ravin quand ils entendaient un réacteur. Ma grand-mère a le même téléphone que ton dealer, avec son numéro scotché dessus, même si elle connaît déjà par cœur. Mon grand-père, il roule les R, il a l'accent de son patelin, et ça ressemble bizarrement au cliché d'un accent africain. Mon grand-père a creusé sa cave à la main, il m'a déjà mis des grandes tartes en me disant « fais pas le malin », et il a des doigts, c'est des bites. À force d'y planter des clous, des hameçons, des agrafes et toutes sortes de câbles électriques, mon grand-père a plein de phrases philosophiques qu'il répète souvent. Genre rien n'est illégal si personne n'est au courant. Mes grands-parents ont souvent l'air un peu flippants. C'est sûrement parce qu'ils connaissent plus de morts que de vivants. Et aussi parce qu'ils ont potentiellement tué des gens. Chez eux, il y a suffisamment de fusils pour alimenter tout un régiment. Mes grands-mères sont magnifiques sur les photos en noir et blanc, autour desquelles il y a plein d'objets inutiles fascinants. Mon grand-père pense que les joueurs de basket sont trop grands, qu'en cas d'égalité au foot, ça devrait jouer au corner gagnant. Quand mon grand-père a passé le permis, les feux rouges n'existaient pas, et les clignotants c'était ses bras. Mes grands-parents croient en l'évangile, leurs enfants ont décidé de laisser Jésus tranquille. Mon grand-père utilise le mot pédé pour dire pédophile. Il s'endort entre les plats comme s'il était sous l'exomile. Mon grand-père a plus de filtre, il raconte les putes à l'armée. Ma grand-mère lui rappelle qu'à l'époque ils étaient déjà mariés. Mes grands-parents ont le disque dur qui commence à ramer. On fera passer les histoires, laisse rap à la mémoire s'effacer. J'ai suivi beaucoup de chemins. J'ai ouvert de nombreux sentiers. Voilà, c'était Aurel San avec mes grands-parents. La tête au carré sur France Inter. Voilà, mes invités Patrick Blanco et Maya Saleh pour parler donc des maladies auto-immunes, des maladies aux multiples visages, comme il est titré donc dans ce nouveau dossier de recherche et santé avec la Fondation pour la Recherche Médicale. Vous êtes d'ailleurs le parrain de ce oui, numéro, tout à fait, oui. Patrick Blanco, et l'occasion de dire évidemment qu'il faut aider la recherche hein, et tous ceux qui travaillent dans ce domaine. Donc si vous souhaitez aider la Fondation pour la Recherche Médicale et faire vos dons, eh bien c'est très simple. Dans beaucoup de domaines d'ailleurs des maladies et de la science, vous pouvez faire vos dons sur FRM.org. Alors, beaucoup de questions. Isabelle se demande d'ailleurs, Maya Saleh, pourquoi les femmes sont plus atteintes par les maladies auto-immunes? Alors, est-ce que c'est un problème hormonal en particulier ou pas? Pas tout à fait. Alors, il y a une contribution de l'œstrogène. L'œstrogène qui se lie à son récepteur peut atténuer moduler la réponse inflammatoire immunitaire. Mm-hmm. Mais aussi, il y a la question du chromosome X. Alors, les femmes, nous avons 2 chromosomes X pendant que les hommes, un chromosome X, un chromosome Y. Mmh. Donc, pour arriver à balancer ou doser la quantité de gènes exprimés par les chromosomes X, les femmes inactivent une des 2 copies du chromosome X, ou la maternelle ou la paternelle. Mais des fois, il y aura des régions dans le chromosome X inactif qui se réactivent, qui se rouvrent. Et donc, dans ces femmes-là, on aura une expression double d'un certain gène qui peut contribuer à la réponse immunitaire. Mmh. Donc, nous avions une publication récemment en France d'un groupe toulousain qui démontre d'une façon très élégante cette réouverture des régions du chromosome X, mais il y a beaucoup plus de gènes à explorer, à comprendre comment ils agissent dans cette réponse. Donc il y a une vraie inégalité hein, liée au chromosome entre les 2 sexes, si je vous comprends bien. Patrick Blanco, on assiste à une explosion aujourd'hui des maladies auto-immunes, véritablement? Il y a quelque chose qui se passe ou pas? Je ne sais pas si on peut parler d'explosion, toujours est-il que la prévalence des maladies auto-immunes augmente pour des raisons, alors c'est vrai dans les pays occidentaux, pour des raisons diverses et variées. Une des des premières raisons vient du fait que certaines maladies qui n'avaient pas de substratum auto-humain voient leur physiopathologie un petit peu modifiée actuellement, et on s'aperçoit en fait que ce sont d'authentiques maladies auto-immunes ou maladies inflammatoires. Donc par exemple, je sais pas, il y a certaines maladies neurologiques ou bien éventuellement certaines maladies psychiatriques. Alors actuellement, il y a un vrai engouement autour de ça, ou certaines schizophrénies pourraient être de nature auto-immune avec un changement notoire du traitement, puisqu'au lieu de donner des psychotropes, vous allez donner des traitements qui modulent le système immunitaire. Et cette association-là est nouvelle pour le coup ? Alors c'est relativement récent, c'est-à-dire que globalement toutes les spécialités médicales ont en leur sein une maladie dont la nature est auto-immune. La psychiatrie était assez étrangère à cela, alors qu'on sait que le système immunitaire, lorsqu'il est perturbé, peut donner des symptômes exclusivement psychiatriques. Et donc ça, c'est quelque chose qui est en développement et en cours d'exploration en France et ailleurs au demeurant. Et la deuxième raison, c'est que c'est le milieu environnemental, on en parlait, donc probablement la pollution, le régime alimentaire, puisque tout à l'heure on en a parlé. Mais par exemple, il y a des choses extrêmement simples, le fait de manger salé impacte le système immunitaire. Manger trop salé, donc ça joue sur le système cardiovasculaire, mais pas que, ça joue sur le système immunitaire, ça active certains lymphocytes qui sont pro-inflammatoires. Donc ça, c'est un exemple extrêmement classique. Et puis dans l'environnement, on classe souvent aussi le tabac. Donc le tabac induit des problèmes respiratoires, induit des cancers, et induit aussi des maladies auto-immunes, puisque c'est un facteur de risque majeur pour la sclérose en plaques ou la polyarthrite rhumatoïde. Maïa Salé, on voit que c'est vraiment multifactoriel, évidemment, toutes ces maladies, avec toute la complexité d'associer précisément tous ces exemples cités à des maladies en particulier. Donc ça complique la recherche, j'imagine aussi, parce qu'il faut explorer toutes ces pistes à la fois. Oui, exactement. Et alors maintenant, on a toute l'émergence des études omiques où on regarde non seulement la génomique d'un patient ou d'un individu, mais aussi l'épigénétique qui est modifiée par l'environnement, le microbiome, le métabolome, notre métabolisme. Et il faut après collaborer avec des bioinformaticiens pour pouvoir intégrer ces métadonnées. Et donc, maintenant, on commence aussi à travailler en collaboration. Par exemple, on a débuté un projet Canada-Japon pour comprendre pourquoi le Canada a le taux le plus élevé des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Tandis qu'au Japon, on n'avait pas cette maladie il y a 30 ans. Et depuis 30 ans, le taux augmente. Alors, la génétique n'a pas changé. Au Japon, c'est forcément les habitudes alimentaires. Tout ce qui est urbanisation avec les pollutions, etc. On va partir à l'hôpital Necker, Patrick Blanco, avec un reportage autour de l'immunologiste Lucienne Châtenoux, que vous connaissez évidemment, qui travaille donc sur là aussi des pistes de recherche sur les maladies auto-immunes. Et là, un exemple sur la souris autour du diabète de type 1. Avant de pénétrer dans l'animalerie, beaucoup de précautions s'imposent. Ici, les germes, virus, parasites, bactéries ou infections ne sont pas les bienvenus. Ces précautions n'ont pas pour but d'empêcher les souris de tomber malades, mais plutôt de les contraindre à le rester. Car quand elles vivent dans une atmosphère propre, ces souris développent spontanément un diabète de type 1. Sauf qu'en 1992, un parasite s'est faufilé. Du coup, en l'espace d'une génération, le pourcentage de diabète a diminué de 90% à 60-50%, et ça continuait de diminuer. En décontaminant ces souris, en une génération uniquement, le pourcentage de diabète est revenu à 90%. Lucienne essaye donc d'enfermer la bonne bactérie dans un médicament. Et quand on mélange ces bactéries à la nourriture des souris, le pourcentage des souris diabétiques chute de 80 à 20% et elles développent la maladie beaucoup plus tard. Si on apprenait à mieux comprendre quelle est la molécule ou les molécules qui sont importantes au sein de ces extraits, les purifier, en faire de vrais médicaments préventifs que l'on pourrait par exemple donner à tous les bébés et prévenir de manière efficace l'auto-immunité. Mais ça, c'est vraiment du rêve, on n'y est pas encore. Et Patrick Blanco, alors ça c'est vraiment spectaculaire sur la souris, ce qui peut se passer justement dans le fait de manipuler les bactéries et faire baisser le diabète de façon aussi étonnante. Alors oui, ça corrèle les résultats qu'on a sur ce dont parlait Maïa, c'est-à-dire la dysbiose. Et ce qui manque actuellement, c'est si on pouvait avoir un médicament qui puisse impacter et faire en sorte que cette dysbiose se transforme en un microbiote normal, eh bien on peut peut imaginer que le fait d'impacter cela pourrait améliorer la prise en charge de ces malades. Néanmoins, il y a une chose qui est essentielle, c'est que si on doit traiter... alors Lucienne parlait de l'ensemble des bébés, par exemple, dès la naissance. Mais si on devait se focaliser sur la prise en charge des diabétiques et uniquement des diabétiques, ce qui paraît important, c'est faire une prise en charge précoce de ces maladies au moment du premier symptôme. Et oui, mais ça peut arriver très tard. Le diabète de type 1 peut arriver très tard chez les individus. Le diabète de type 1 peut arriver sans signe annonciateur, forcément. Sans signe annonciateur, mais dès les premières perturbations, idéalement, la problématique, c'est que l'hyperglycémie, c'est asymptomatique. Donc, voilà. Parce que si on veut essayer de revenir en arrière, il ne faut pas que les dommages tissulaires soient irréversibles. Bien sûr. Ça, ouais. Maya Saleh, donc là, on a des choses très intéressantes, mais une fois de plus, on est sur l'animal, hein, on n'est pas sur l'humain. Qu'est-ce qui explique la difficulté, justement, de transposer et d'obtenir les mêmes résultats chez l'homme, alors que chez la souris, ça a l'air de fonctionner de façon assez spectaculaire? Oui, alors les souris, génétiquement, sont des clones, et on contrôle... très très bien l'environnement, on sait qu'est-ce que ces souris-là mangent, etc. Oui. Alors chez l'humain, on a toutes sortes de variations. Mais je voulais noter aussi, pour le diabète de type 1, il y a une différence énorme dans le taux en Finlande, par exemple, comparativement aux des pays avoisinants en Russie. Et alors, on avait une hypothèse de nord-sud, de manque de vitamine D dans ces maladies-là, et on revient toujours à l'hypothèse de l'hygiène, en fait, parce que la génétique entre les Finlandais et les Russes n'est pas trop différente, mais il y a cette grosse différence. Mais c'est probablement comment on traite la nourriture, comment on vaccine nos les antibiotiques, en fait la prise en charge des enfants lorsqu'ils sont malades. Oui, en bas âge, et voilà, les infections, les pathogènes qui sont dans l'environnement russe versus l'environnement finlandais. Ouais. Florence demande quel est le point de vue de vos invités sur le lien entre le stress et les maladies auto-immunes et sur leur rôle des médecines alternatives dans la prise en charge des patients en complément. Alors, il y a vraiment deux choses là-dedans dans la question. D'abord, le lien entre le stress et les maladies auto-immunes, Patrick Blanco. Alors, c'est quelque chose qui est classiquement décrit, c'est-à-dire qu'à la faveur d'un stress important, un décès dans la famille ou une rupture, il est extrêmement, parfois un examen, il est extrêmement classique de développer une maladie auto-immune, tout simplement parce que certaines hormones qui vont être sécrétées au moment du stress, certaines d'entre elles, pas toutes, sont pro-inflammatoires et activent le système immunitaire, surtout lorsqu'elles sont présentes en quantité importante. Donc ça, c'est quelque chose qui est classiquement, effectivement, décrit. Et le stress peut être également un facteur de poussée chez un patient ou une patiente qui est affecté d'une maladie auto-immune. Et alors, le rôle des médecines alternatives? Ben pourquoi pas, à partir du moment où toutes ces médecines n'ont pas montré qu'elles avaient un impact négatif, à titre personnel, j'y suis pas du tout opposé, et à partir du moment où on considère que le stress fait partie intégrante de la physiopathologie de la maladie, y lutter via ces médecines alternatives paraît relativement logique. Allez, on se retrouve dans un instant. Beaucoup de questions sur vous, pour vous sur franceinter.fr, et je vous les soumets dans quelques instants. Ta muse t'a fait pleurer, ta muse t'a soulevé le cœur. Tu te disais ouais c'est l'été, mais sais-tu que l'été se meurt. Veux-tu bien te rhabiller, mettre une veste sur ton cœur. Tu n'as qu'à ramasser celle qu'elle t'a jetée tout à l'heure. It's the end of the summer. L'été se meurt. C'est the end of the summer. L'été se meurt. Ça se vide à toute blinde. Ça sent le casino fermé. Même les plages ont l'air fauchées. Le soleil a l'air de s'éteindre. L'amour n'est jamais qu'un décor, un iceberg en Amazonie, une chambre avec vue sur le bord, où tu vas chialer toute la nuit. It's the end of the summer, l'été se meurt. C'est the end of the summer, l'été se meurt. Ton amour s'est te réchauffer, tu as juste choisi la saison où il fait déjà 40 degrés. prochaine fois t'essaieras l'hiver. Quand tu auras le cœur bien froid, tu lui achèteras une polaire si t'as toujours rien dans les bras. It's the end of the summer, late December. This is the end of the summer, late December. T'as racheté tes à côté, t'as ravalé ton haut le cœur. Tu te disais ouais c'est l'été, mais sais-tu que l'été s'en va. It's the end of the summer. L'été, summer, c'était Julien Doré. La tête au carré. Sur France Inter. Voilà les maladies auto-immunes cet après-midi avec vos messages franceinter.fr et le mot-clé d'attaque. Patrick Blanco, donc chef du service d'immunologie du CHU de Bordeaux avec nous, et Maya Salet, professeure en médecine à l'université McGill de Montréal. Alors les messages des auditeurs très nombreux, variés. Antoine demande, est-ce qu'il y a un lien avec l'allaitement maternel autour des maladies auto-immunes? Patrick Blanco. Alors, il y a quelques études, notamment dans le domaine de l'allergie, un petit peu moins dans le domaine des maladies auto-immunes, qui ont prouvé que le fait d'allaiter permettait de diminuer la prévalence de l'inflammation. Donc il y avait un effet protecteur de l'allaitement. Plutôt un effet protecteur, exactement. Mm-hmm. Mais sinon, il y a pas vraiment de. Non, il y a pas. Alors que lorsqu'on a une maladie auto-immune et lorsqu'on va avoir une grossesse et accoucher un enfant, l'allaitement n'est classiquement pas contre-indiqué, mm-hmm. y compris quelques maladies où par le passé il fut contre-indiqué, telles que le lupus. Ouais. Isabelle demande, est-ce que ces maladies peuvent être déclenchées par des chocs émotionnels? Est-ce que l'aspect psychologique peut rentrer en ligne de compte, Maya Salet? Oui, mais on revient sur la question de stress, je pense, avec les hormones de stress qui peuvent être pro-inflammatoires. Alors oui, peut-être. Ouais. Une centaine de maladies recensées, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Patrick Blanco. Alors parmi lesquelles, donc, on l'a dit, le diabète de type 1, mais de nombreux autres connus, d'autres beaucoup moins d'ailleurs. Bon, alors, on les classe selon le type d'organes qu'elles vont toucher. Et il y a très schématiquement deux grands types de maladies auto-immunes. D'une part, ce qu'on appelle les maladies auto-immunes spécifiques d'organes, où finalement un seul organe va être intéressé par le processus auto-immuno-inflammatoire, la thyroïdite, le diabète de type 1, etc., etc. Et puis des maladies systémiques, où là, pour le coup, l'ensemble du corps humain peut être impacté par le processus inflammatoire, et probablement que l'archétype de ces maladies auto-immunes dites systémiques, c'est ce qu'on appelle le lupus érythémateux systémique, qui très schématiquement, sur le plan clinique, peut en gros tout toucher. Ouais. Et ça, c'est absolument catastrophique pour l'organisme? Non, c'est non pas catastrophique, c'est une maladie qu'on connaît de mieux en mieux. Et lorsqu'on a un lupus, on a très schématiquement deux types de lupus. D'une part, un lupus qui va toucher la peau et les articulations, c'est à peu près 70% des patients. Ouais. C'est quelque chose qui peut être invalidant à la faveur des douleurs ou éventuellement diesthétique pour les patientes, mais c'est pas quelque chose qui, médicalement parlant, est grave. Alors que parfois, on peut avoir des situations un petit peu plus graves lorsque le lupus intéresse le rein ou bien le cœur ou le cerveau. Mais ce n'est uniquement que 30% des patients. Et là encore, il existe des thérapeutiques qui permettent classiquement de mettre en rémission ces patientes-là. Ouais. Et sur les symptômes, alors exactement, comment ça se manifeste? On a ces maladies qui évoluent de façon assez linéaire, ou au contraire, par saccades? Est-ce qu'il y a des profils très différents? C'est extrêmement variable en fonction d'une maladie à l'autre. Néanmoins, classiquement, alors pour les maladies systémiques, ce sont des maladies qui évoluent par poussée, que l'on arrive à mettre en rémission avec la plupart des traitements que l'on met en place. Oui. Et bien entendu, les traitements des symptômes sont également essentiels. C'est-à-dire que parfois, lorsqu'on a mal aux articulations, des antalgiques et éventuellement un anti-inflammatoire peuvent suffire pour mettre au repos la maladie, et on peut être tranquille pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Ouais. Alors l'arsenal thérapeutique, justement, il dépend des maladies, j'imagine. Mais quelle réponse on peut apporter alors aujourd'hui concrètement? C'est pareil, ça dépend des pathologies, c'est vraiment au cas par cas et... Alors, dans les maladies spécifiques d'organes, notamment endocrinologiques, ce qui se passe, c'est qu'on donne très, très rarement un médicament à visée immunologique. Et donc, ce que l'on fait classiquement, c'est qu'on va pallier la dysfonction de l'organe. C'est-à-dire que si la thyroïde ne marche pas, eh bien, on va vous donner des hormones thyroïdiennes. Si vous avez un diabète, on va vous donner de l'insuline. En ce qui concerne les maladies inflammatoires systémiques, ou d'autres maladies telles que la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques, là, on va vous donner deux types de médicaments. Un médicament qui va vous permettre de traiter la poussée et ce qu'on appelle un médicament de fond qui a pour but un immunomodulateur ou un immunosuppresseur éventuellement, qui a pour but de mettre au repos le système immunitaire. Donc, Maya Saleh, les pistes de recherche aujourd'hui. Alors, sur quoi on travaille exactement? Qu'est-ce qui semble intéressant pour l'avenir? Alors, juste pour compléter ce que disait Patrick, on a des médicaments qui soulagent, mais malheureusement, on n'a pas des médicaments qui attaquent la source du problème. Oui. Et comme chercheuse, je trouve ça désolant qu'on traite encore des patients avec des immunosuppresseurs et plus ou moins quelque chose de quelques médicaments qui sont plus ciblés, mais qui sont anti-cytokines, anti-inflammatoires. Il faut vraiment. Ça veut dire quoi ? On est à côté du problème pour vous ? On traite les symptômes. Pas du tout la cause. Alors, on a du mal à connaître la cause, c'est ça exactement. Le problème. Exactement. Et donc, la recherche maintenant est axée, par exemple, à trouver des biomarqueurs de la réponse. Pourquoi certains patients vont répondre même à ces médicaments qui traitent les symptômes et pas d'autres. Et pour nous, l'analyse en fait de tout ce qui est environnement et interaction génétique, comprendre l'épigénétique de ces patients-là et à la base de la découverte d'un médicament qui va traiter la cause. On disait tantôt que maintenant, comme outil pour étudier ces maladies auto-immunes, on trouve que malheureusement, des patients atteints de cancer qui sont traités aux immunothérapies, qui est une révolution dans le traitement du cancer, vont développer aussi ce qu'on appelle des événements indésirables liés au système immunitaire, qui se présentent en forme de maladies auto-immunes, mais hyper accélérées. Donc, à côté d'un cancer, on peut développer ce type de maladie. Et parce que, en fait, ce traitement cancer, c'est un traitement qui va activer le système immunitaire pour attaquer le cancer. Mais on attaque aussi le tissu sain et ces patients-là vont développer des symptômes de maladies auto-immunes très très rapidement dans une durée de 2 à 3 mois, pendant qu'une maladie auto-immune va prendre 20 à 30 ans pour... Ces patients-là vont être, je ne veux pas dire un outil, mais c'est une opportunité énorme. En tout cas, observer de très très près pour voir comment ce mécanisme agit aussi vite, c'est ça ? Exactement. Ouais. Et là, il y a des pistes intéressantes ensuite pour les traitements ou pas ? Ou c'est vraiment du point de vue de la recherche aujourd'hui que c'est intéressant ? Mais pour le moment, je pense pour le traitement, on les traite comme les patients atteints de maladies auto-immunes, ça veut dire avec les immunosuppresseurs, les biologiques anti-inflammatoires, mais Patrick Blanco, oui. Oui, c'est ça. Le paradigme actuellement, ce que signifie Maya Saleh, c'est d'essayer d'agir le plus précocement sur les maladies auto-immunes, en pensant que à partir du moment où ces maladies évoluent par poussée, et au fur et à mesure des poussées, les traitements conventionnels marchent de moins en moins bien, et les séquelles tissulaires s'accumulent en fait. Et donc toute la stratégie, c'est d'arriver extrêmement précocement, de façon à donner le traitement le plus adéquat très précocement. Et donc, par exemple, dans la région, alors Nouvelle-Aquitaine, je vais faire ma publicité pour la région Nouvelle-Aquitaine, on a développé une stratégie pour repérer très précocement ces malades-là, en lien avec les généralistes, puisque les premiers symptômes vont être vus par les généralistes, et ce sont pas des malades que l'on voit, nous, dans les centres hospitaux universitaires, heureusement, en demeurant. Néanmoins, on a développé un outil, qui est un outil à la fois humain et numérique, qui est développé par une société qui est Capgemini, dans le but de cibler ces patients très précocement, justement de façon à essayer de dépister, via la recherche et des outils extrêmement novateurs, des biomarqueurs qui sont des biomarqueurs d'évolutivité de la maladie. Oui, sauf que chez ces personnes chez lesquelles on peut faire donc des diagnostics très précoces, est-ce qu'on est certain que la maladie va se développer ? Mais justement, c'est très intéressant parce que chez ces patients-là, vous aurez éventuellement deux types de patients. Un premier type de patient qui va développer la maladie et donc et puis un autre type de patient qui ne va pas développer la maladie. Et donc éventuellement, le malade qui ne va pas développer la maladie est tout aussi intéressant que celui qui va la développer, parce qu'éventuellement, dans ses gènes, où il aura des facteurs qui sont protecteurs et qui sont demain possiblement des pistes thérapeutiques. Qu'est-ce qu'on va lui dire à ce patient qui peut-être ne développera jamais la maladie? C'est compliqué aussi, alors, d'un point de vue de la relation avec le patient. Oui et non, c'est extrêmement compliqué, mais alors on n'a pas de moyen de toute façon de prévenir, c'est-à-dire qu'il va développer un symptôme et éventuellement demain il sera plus malade. Donc il est important qu'on le surveille, alors qu'on le surveille raison gardée à la faveur de bilans qui peuvent être soit semestriels, soit annuels, d'essayer de faire en sorte qu'il n'ait pas une épée de Damoclès au-dessus de la tête. On arrive assez facilement à communiquer avec ce genre de patient à partir du moment où on leur explique clairement les choses. Maya Salé, une question de Frédéric sur les liens entre alimentation, maladie auto-immune, maladie inflammatoire. Est-ce qu'il y a des régimes alimentaires qui peuvent améliorer justement ces maladies? Alors, si on s'intéresse aux bactéries de l'intestin, par exemple. Oui, c'est pas compliqué de répondre. Oui, c'est pas concluant. Il y a eu plusieurs études dans des modèles animaux avec un certain régime versus un autre, ou en carbohydrates, bas en carbohydrates, en protéines, etc. Mais c'est pas concluant. Jocelyne nous dit, j'ai deux enfants, et ces deux enfants sont diabétiques de type 1, il n'y a pas d'hérédité, le diabète de mes enfants s'est révélé après une forte gastro-entérite et une grippe, comment expliquer qu'ils ont tous les deux cette maladie auto-immune, Patrick Blanco? Alors, il n'y a pas d'hérédité dans le sens un gène malade, une maladie, c'est-à-dire que si vous prenez par exemple alors le lupus, qui est la maladie que je connais un petit peu le mieux, et si vous prenez des jumeaux homozygotes, s'il y en a un qui développe la maladie, l'autre a 20% de chance, entre guillemets, de développer la maladie, si bien que des facteurs environnementaux sont importants. Et après, le facteur infectieux, tel qu'une gastro-entérite, peut être le trigger qui va faire que le système immunitaire s'emballe, et à ce moment-là, la réaction auto-immune se crée, et la maladie, malheureusement, apparaît. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Je renvoie nos auditeurs sur ce dossier de recherche et santé de la Fondation pour la recherche médicale et puis bien sûr frm.org si vous souhaitez aider les chercheurs autour des maladies auto-immunes mais autour de bien d'autres maladies également. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus aujourd'hui dans la Tête au Carré.